bien qu'un jour, jolie Sandra, je t'avoue le prix de mon délire. Il faudra bien qu'un jour, entre tes bras, je t'avoue ma peine et mon martyr. Oh oh oh, oh oh oh. Quand chaque nuit je verse des pleurs, c'est pour toi qu'il tombe et qu'il meurt. Tu crois peut-être que je t'oublie. Tu crois peut-être que je revis. Mais ton ombre me poursuit. Faudra bien qu'une nuit, jolie Sandra, je m'ouvre les veines en souvenir de toi. Il faudra bien qu'un jour, entre mes draps, je m'enroule et m'envole vers l'au-delà. Oh oh oh, oh oh oh. Quand chaque nuit je deviens fou, mes larmes coulent pour toi sur ma joue. Tu crois peut-être que je t'oublie. Tu crois peut-être que je revis. Mais ton ombre me poursuit. Cette larme traverse mes veines. La douleur et la mort m'emportent. Et toi, tu frappes à la porte.